que la peur de perdre mon âme sœur. Pour de bon, pourquoi on se comprend pas, on n'y arrive pas. Pourquoi, ah oui, pourquoi n'entends-tu pas mon cœur qui bat pour toi, ah. Puisque notre histoire impossible doit se finir, que les meilleurs souvenirs, tes rires, ton sourire, véritable vampire pour mon âme, tes attentions, ta tendresse, tous ces gestes que tout mon être éclaire. Les flots de la vie ne laissaient rien présager quand ta amarré tabac à ma destinée. Son encre est plantée si profond dans mon cœur. Plus tu t'éloignes, plus grande est ma douleur. Elle a pris mon cœur, mes sentiments, mes ressentiments, tout ce que je ressens de bon. Elle m'a laissé que la peur de perdre mon âme sœur pour de bon. Pourquoi on se comprend pas, on n'y arrive pas. Pourquoi, ah oui, pourquoi n'entends-tu pas mon cœur qui bat pour toi, ah. On s'était promis pour la vie, c'est clair, tu resteras l'ex-femme de ma vie. Et ces moments passés ne seront plus suivis par d'autres brefs aperçus du paradis. J'essaie de trouver ailleurs du réconfort, mais les souvenirs martèlent ma tête tellement si fort. Oh, je sais que même si on m'offre le plus doux des conforts, oh, j'ai le vague à l'âne, le mal au cœur, faut que je reste dehors. Oh, elle a pris mon cœur, mes sentiments, mes ressentiments, tout ce que je ressens de bon. Elle m'a laissé que la peur de perdre mon âme sœur pour de bon. Pourquoi on se comprend pas, on n'y arrive pas. Pourquoi, ah oui, pourquoi n'entends-tu pas mon cœur qui bat pour toi, ah. Pourtant j'ai fait des efforts, j'ai essayé d'être fort, mais j'avais si souvent tort, pensant qu'en essayant encore on arriverait à conjurer le sort. Je suis malade, j'écris ce son pour me guérir de toi, yeah. Je ne le cache pas, ah. Combien de fois mes larmes coulent sur moi quand je pense à toi. Quand je lis les mails que tu m'envoies, tu brûles mes ailes, me laisses sans voix. Je t'ai aimé comme jamais je n'ai aimé, et après toi jamais plus jamais je n'aimerai. Elle a pris mon cœur, mes sentiments, mes ressentiments, tout ce que je ressens de bon. Elle m'a laissé que la peur de perdre mon âme sœur pour de bon. Pourquoi on se comprend pas, on n'y arrive pas. Pourquoi, ah oui, pourquoi n'entends-tu pas mon cœur qui bat pour toi, ah. Elle a pris mon cœur, mes sentiments, mes ressentiments, tout ce que je ressens de bon. Elle m'a laissé que la peur de perdre mon âme sœur pour de bon. Pourquoi on se comprend pas, on n'y arrive pas.